chargé, mon amour. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Triangle des babillés. Triangle des babillés. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Triangle des babillés. Triangle des babillés. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. J'suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu. On n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes. J'ai sorti le bazooka, calage les coffres à côté de moi. Ma chérie, non, ne panique pas. Et j'ai aussi le USB. J'ai remis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. J'suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes. Sortez les armes, sortez les armes, triangle des babillés.